Thank you. Thank you. peu de prestige. Tellement sale ton bon con, appelle-moi People of Voltage. Et tu peux me dire, allez me faire voir, moi et mon studio. Mais tu peux pas m'empêcher de croire que les étoiles entendent ce que je dis. Savent ce que je dis depuis que j'ai l'âge de petit. Le gain de sa force, chaque balle vers ma petite. Et je dégomme des temps, mais du temps, comme ça. Le poids de l'école, mais ça m'étonne, même si je sais. Yeah. Thank you. Thank you.